La grande ville mange la ville. La grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline, fleurs en cuisine, Marie sans phare, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. Ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui te ressemble, je les préfère. Marie divine, sans mousseline, dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait.